السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد On continue donc la série de cours des 10 règles dans l'istiqama de Cheikh Abdelrazak al-Abad al-Badr et on est arrivé à la quatrième règle et le Cheikh il dit حفظه الله تعالى الاستقامة المطلوبة من العبد هي السداد فإن لم يقدر فالمقاربة. Et en guise de rappel, on avait dit que les trois premières règles étaient quoi? Qui sait me les rappeler, au moins les titres? Personne? La guidance est un bienfait d'Allah Azza wa Jal, c'est un don divin et un bienfait du Seigneur. Naam, deuxième? La réalité de l'istiqama, c'est l'attachement à la voie droite au droit chemin. Naam, troisième? La base de la droiture, c'est la droiture du cœur. Quatrième règle, la droiture demandée du serviteur, c'est l'exactitude dans la droiture. C'est ce qu'on appelle sadad. On va expliquer ce que ça veut dire, inshallah. Et s'il n'en est pas capable, alors qu'il s'en rapproche. وَقَدْ جَمْعَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ فِي قَوْلِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا. فالمطلوب في باب الاستقامة السداد السداد أن تصيب السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لما طلب منه أن يعلمه دعاء أن يدعو الله به قال قل اللهم اهدني وسددني قال واذكر بالهدى هدايتك الطريق والسداد سداد السهم. Le prophète صلى الله عليه وسلم a regroupé ces deux choses dans sa parole. Certes, la religion est une facilité et nul n'exagérera dans la religion sans qu'elle ne prenne le dessus sur lui. Cherchez donc l'exactitude, ce qu'on appelle sadad, ou rapprochez-vous-en et réjouissez-vous. Donc c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Bukhari, rahimahullah, dans son sahih, numéro 39, et 6463, d'après Abu Huraira, radiallahu anhu, arda. Le shir, il dit donc, ce qui est voulu au sujet de la droiture, c'est quoi? C'est l'exactitude, sadad. Et essayez de retenir ce mot-là, l'exactitude, sadad. Et l'exactitude, sadad, c'est d'atteindre la sunnah. Qu'on va voir dans un instant, Inch'Allah, c'est comme si vous aviez une cible et que tu atteins le mille de la cible. Tu atteins exactement la sunna. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à Ali, qu'Allah l'agré, lorsque celui-ci lui demanda de lui apprendre une invocation par laquelle il pourrait invoquer Allah, subhanahu wa ta'ala, il lui dit, « Dis, ô Allah, guide-moi et fais-moi atteindre l'exactitude. » Et encore ça, c'est un délit de quoi qu'on demande la guidance à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il dit, « Pense quant à la guidance, à ta guidance vers la voie, et quant à l'exactitude de la flèche. » Rapporté par Muslim, numéro 2725. Et Cheikh, il dit, « فَالْعَبْدُ مَطْلُوبٌ مِنْهُ أَنْ يُجَاهِدَ نَفْسَهُ عَلَى أَنْ يُصِيبَ السَّدَادِ وَأَنْ يُصِيبَ هَادِيَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ وَنَهْجَهُ وَسُلُوكَهُ وَيُجَاهِدَ نَفْسَهُ عَلَى ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ فَعَلِيهِ بِالْمُقَارَبَةِ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ عَلَيْكَ السَّلَامُ وَذِكْرُ الْإِسْتِغْفَارِ بَعْدَ الْأَمْرِ بِالْإِسْتِقَامَةِ فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْعَبْدَ لا بد له من تقصير مهما جاهد نفسه عن على الاستقامة ولهذا قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في قوله عز وجل وفي قوله عز وجل فاستقيموا إليه واستغفروه عليك السلام إشارة إلى أنه لا بد من تقصير في الاستقامة المأمور بها فيجبر ذلك بالاستغفار المقتضي للتوبة والرجوع إلى الاستقامة وكقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاد اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحوها. Ce qui est donc demandé au serviteur, c'est de s'efforcer d'atteindre l'exactitude, le sadad. et d'atteindre exactement la manière d'agir du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et sa voie et sa conduite, et qu'il s'efforce d'atteindre cela, et s'il n'y arrive pas, qu'il s'en rapproche. La traduction du sens de la parole d'Allah dit: cherchez le droit chemin vers lui et implorez son pardon. Surat Fussilat, verset 6. Il y a dans l'incitation à l'istighfar. L'istighfar, c'est quoi? C'est talabu al-maghfira. Le ulama dit c'est talabu al-maghfira, le fait de demander pardon. Comme d'ailleurs al-isti'ana, c'est quoi? Talabu al-aoun. Al-istighatha, talabu al-ghawth, wa huwa izalatu shiddah. Donc l'istighfar, c'est la demande de pardon après l'ordre d'al-istiqama. Nirshal al-Uthimi dit, souvent les mots isti, c'est souvent une demande de quelque chose, mais ici istiqama, il n'y a pas de demande de quelque chose. Ce n'est pas toujours, c'est pas une règle absolue. L'istiqama, c'est une indication du fait que le serviteur aura des manquements, quels que soient les efforts qu'il fournit pour être sur l'istiqama. C'est pour cette raison que l'Hafid ibn Rajab, rahimahullah, on en a déjà parlé, de lui hier, l'Hafid ibn Rajab al-Hanbali, rahimahullah, il a dit: il y a dans la parole d'Allah, dans la traduction du sens, est chercher le droit chemin vers lui et implorer son pardon. Vous avez entendu le verset ici? Fastaqimu ilayhi wastaghfiru. Chercher le droit chemin vers lui et implorer son pardon. Une indication qu'il doit nécessairement y avoir des manquements quant à la droiture qui a été ordonnée. Ceci est comblé par quoi? Par la demande de pardon. Al-istighfar, qui implique le repentir et le retour à la droiture. C'est clair ça? Non? Si. Ici le verset dit: fastaqimu ilayhi wastaghfiru. Chercher le droit chemin vers lui et demander son pardon. Ceci indique que quoi que tu fasses, tu auras toujours des manquements. Et qu'est-ce que tu dois faire par rapport aux manquements? Tu demandes le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette demande de pardon, à l'istighfar, elle implique quoi? Le repentir et le retour à la droiture. C'est-à-dire que quoi que tu fasses, tu auras toujours des manquements. Mais le cheikh, il a utilisé un mot d'ailleurs, il a dit: ceci est comblé. Il y a des manquements et ceci est comblé par la demande de pardon. Il donne un exemple, il dit: ceci est un exemple de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mu'adh, quand il lui a dit: crains Allah où que tu sois, et puis qu'est-ce qu'il lui a dit après? Et fais suivre le péché par une bonne action qui l'effacera. Et ce hadith, on l'a expliqué complètement par l'explication de Cheikh Abel Jabiri, c'est disponible sur notre site aussi en français, vous pouvez le télécharger aussi en PDF. Et Cheikh, il dit, il continue en disant: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس لن يطيقوا الاستقامة حق الاستقامة كما خرج الإمام أحمد وابن ماجه من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وفي رواية للإمام أحمد: سددوا وقاربوا ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé que les gens ne sont pas capables d'être complètement sur la droiture. Comme l'a rapporté qui? L'imam Ahmed rahimahullah et Ibn Majah, d'après le hadith de Thauban, qui rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit: soyez droit, mais vous ne pourrez jamais tout faire. Et sachez que la meilleure de vos actions est la prière, et ne préserve ses ablutions qu'un croyant. Rapporté par Ahmed dans son Mousnad numéro 22378 et Ibn Majah numéro 277, il est authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah dans Irwa al-Ghalil numéro 412. Irwa al-Ghalil, Takhrij Manar Sabil. Et dans une autre version rapportée par l'imam Ahmed rahimahullah: atteignez l'exactitude ou rapprochez-vous-en et ne préserve ses ablutions qu'un croyant. C'est rapporté par Ahmed dans son Mousnad numéro 22432. Il donne une autre preuve, il dit dans les deux authentiques, c'est-à-dire quoi, Al-Bukhari et Muslim, d'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: atteignez l'exactitude ou rapprochez-vous-en. Donc ici, les deux termes qu'on doit retenir, nous, dans cette règle-là, c'est quoi? Al-Sadad, qui est quoi, l'exactitude, et Al-Muqarabah, qui est le fait de se rapprocher. Alors, il y a une chose dont on va parler après, mais on peut déjà le dire maintenant, Inch'Allah, c'est que il ne faut pas croire de manière erronée. Il ne faut pas penser de manière erronée ou comprendre de manière erronée et fausse que ce qui est voulu, c'est le rapprochement. Vous comprenez ça ou pas? C'est-à-dire que tu n'es pas l'intention d'être rapproché. C'est quoi ton intention? C'est l'exactitude. Attention, c'est ça la condition. C'est que tu cherches l'exactitude, mais si tu ne l'atteins pas, au moins tu te seras rapproché. C'est rapporté par Al-Bukhari, donc ce hadith numéro 6463, et Muslim numéro 2816, c'est donc ce qu'on appelle un hadith muttafaqun alayh. Le Belchir continue son explication en disant: فالسداد هو حقيقة الاستقامة والإصابة في جميع الأقوال والأعمال والمقاصد. Ça c'est important aussi. كالذي يرمي إلى غرض فيصيبه وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يسأل الله عز وجل السداد والهدى وقال له اذكر بالسداد تسديدك السهم وبالهدى هدايتك الطريق. فالمقاربة أن يصيب ما يقرب من الغرض إن لم يصب الغرض نفسه. ولكن بشرط. Vous savez ce que j'ai dit? La condition. ولكن بشرط. ما هو شرط؟ أن يكون مصمما على قصد السداد وإصابة الغرض. فتكون مقاربته عن غير عمد. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحكم بن حزن الكلفي: يا أيها الناس إنكم لن تعملوا أو لن تطيقوا كل ما أمرتكم ولكن سددوا وأبشروا. والمعنى أقصد التسديد والإصابة والاستقامة. فإنهم لو سددوا في العمل كله لكانوا قد فعلوا ما أمروا به كله. L'exactitude est donc la réalité de la droiture, l'istiqama. Et c'est d'atteindre le but dans toutes les paroles et toutes les actions et toutes les intentions. Pourquoi ici on parle de paroles, actions et intentions? C'est ça, c'est les paroles, actions et intentions. Les intentions, c'est le. Hein? Les actions, c'est le. Non, la parole. Hein? Donc ici, dans toutes les choses, dans tous les points, les paroles, les actions et les intentions. Comme celui qui vise un objectif est l'atteint. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Ali qu'à l'agré de demander à Allah subhanahu wa ta'ala l'exactitude. Yarhamukallah. De demander à Allah l'exactitude et la guidance, il lui a dit: pense quant à la guidance, à ta guidance vers la voie. Et quant à l'exactitude de ta flèche. Et c'est rapporté par Muslim, comme on l'a vu précédemment, on a déjà cité ce hadith dans ce cours-ci. Alors on a dit qu'il y avait une condition. C'est quoi cette condition? Vous avez pris un petit déjeuner ou là? On a dit, tu as dit quoi? La condition par rapport ici au rapprochement, c'est quoi? Annie, c'est que tu cherches. Quoi? L'exactitude, c'est que ton but, ton intention, ce soit de chercher l'exactitude. Et ce qu'il dit ici, se rapprocher, c'est se rapprocher de l'objectif, s'il n'atteint pas l'objectif lui-même, mais avec une condition. Quelle est cette condition? Qu'il soit persévérant dans sa volonté d'exactitude et d'atteindre l'objectif. C'est-à-dire, ce que tu cherches continuellement, et ton intention, c'est toujours quoi? D'atteindre l'exactitude dans la droiture, tout le temps. Mais c'est pas que tu dis, non, mais allez, je vais me rapprocher. Non, non, non. Hein? C'est que tu cherches l'exactitude. Et puis si tu n'y arrives pas, ben, au moins tu t'en seras rapproché. Et Cheikh, il dit, son rapprochement n'est donc pas intentionnel. Et ceci est indiqué par la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith d'Al-Hakam ibn Haznin al-Kulafiyu. Ô gens, vous ne serez pas et n'êtes pas capables de faire tout ce que je vous ai ordonné de faire, mais atteignez l'exactitude et réjouissez-vous. Et c'est un hadith qui est rapporté par Abu Daoud dans Sunan. C'est 1096, et l'imam Ahmed dans le Mousnad, 17856. Il a été jugé Hassan, c'est-à-dire bon, par Cheikh Nasr al-Din al-Albani, rahimahullah, dans son livre, Irwa al-Ghalil, Fitakhriji, Hadith Manar al-Sabil, numéro 616. Alors le Cheikh explique cela. Il dit le sens de cela est chercher l'exactitude et à atteindre l'objectif et la droiture. Car s'ils atteignaient l'exactitude, dans toutes leurs actions, ils auraient mis en application tout ce qu'il leur a été commandé de faire. Comme salam. Fin des citations d'Ibn Rajab, rahimahullah, dans Jami' al-Ulum wal-Hikam, volume 1, page 510 et 511. Alors, qui sait me dire c'est quoi la quatrième règle? Sans regarder les notes. Ça date, voilà, c'est tout. Hein? Essayez de retenir comme on en a dit la règle. Est-ce que vous me dites, Sadad Mokharaba? Mais quoi? Tu me donnes deux matières brutes, tu me donnes deux noms, et qu'est-ce que je fais avec maintenant? Hein? Vas-y. Je suis pas sûr. Hein. L'exactitude, c'est la réalité Et sinon, de s'en rapprocher. Ça, oulala. Hein? Et après, qu'est-ce qu'on a dit par rapport à tout ça? Faut essayer de l'atteindre, mais si on n'arrive pas à l'atteindre, on se rapproche. Que tu sois persévérant dans le fait d'essayer de l'atteindre, et puis donc si tu l'atteins pas, au moins tu t'en seras rapproché. C'est tout, on n'a rien dit d'autre. Donc l'attention aussi, la bonne. L'attention. Et c'est dans quoi cette exactitude? C'est dans dans la parole, dans les actes et dans les intentions. Non, parole, acte, intention. Est-ce que vous avez des preuves par rapport à ce qu'on a dit? Non? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, d'après Ahmed, rapporté par Ahmed, d'après Saouban, que nul homme n'est parfait, mais il doit viser cela en fait, il doit viser l'exactitude. Je t'écoute, hein, vas-y. Voilà, après la suite, c'est que la prière est la meilleure des actes et ne préserve ses ablutions qu'incroyables. Le début du hadith, c'était soyez droit, mais vous ne pourrez jamais tout faire. Sachez que la meilleure de vos actions est la prière et ne préserve ses ablutions qu'un croyant. C'est le hadith de Thauban qui est rapporté par Ahmed et authentifié par Cheikh l'Albani, rahimahullah. Il y a un hadith qu'on a cité de Bouhreira, qui résume bien la chose aussi. C'est quoi? Il est rapporté dans Bukhari et Muslim. Cette didou wa qaribou, c'est-à-dire atteignez l'exactitude ou hein, rapprochez-vous-en. Quelqu'un peut rapporter notre preuve? Il y a une chose très importante qu'on a citée. Et je vous aide, on a dit un verset du Coran par rapport à ça. Et le hadith, il dit cherchez l'exactitude et rapprochez-vous-en. Wa qaribou. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi le verset? Et c'est quoi? Fastaqimu ilayhi wastaghfiruh. Cela indique quoi? Ça indique quoi que tu fasses? Tu auras toujours des manquements. Et comment tu combles ce manquement? Par la demande de pardon. Qui implique ce pardon? Il implique quoi? Cette demande de pardon implique le repentir, la tauba, et donc le retour vers la droiture, vers l'istiqam. On a dit quelque chose d'autre ou pas? Il y a un hadith très important au début qu'on a cité sur l'exagération dans la religion. C'est un hadith rapporté par Abu Huraira. Il est dans le Bukhari. Certes, la religion est une facilité et nul n'exagérera dans la religion sans qu'on ne prenne le dessus sur lui. Cherchez donc l'exactitude ou rapprochez-vous-en et réjouissez-vous. Hein? Il faut faire attention de ne pas tomber dans l'exagération dans la religion. Hein? Et ce genre d'exagération, un exemple, ça se retrouve des fois aussi dans comment on se comporte avec les sœurs, avec les femmes en général. On a des gens qui sont laxistes, c'est vrai, comme on a dit. Hein? Les gens sont laxistes, hein? Ils parlent, etc. Ils chattent, etc. Et on a d'autres personnes qui sont trop, quoi? Ils sont extrêmes. Comme Cheikh Falah Ismail nous a expliqué, il a dit que Koweït est avant, hein, surtout chez les anciens, etc. Il y a, par exemple, quelqu'un qui téléphone à une maison, dans une maison, c'est la femme qui répond, elle ne lui parle pas au téléphone. Elle tape dans le téléphone pour lui dire que le mari n'est pas là. Ça, c'est de l'exagération dans la religion. Ça. Hein? Non? C'est vrai? Il ne parle pas du tout? Il raccroche directement. Rah. Hein? En gros, mais elle n'est pas là. Ouais. Il y a quelqu'un qui était là, mais tu ne l'as pas parlé. Khlas. Hein? Ça, Cheikh Falah Ismail a dit ça, c'est le rouleau fait din. Ça, c'est le rouleau fait din. C'est l'exagération dans la religion. Faut faire attention à ça. Beaucoup de frères ne disent pas salam aux frères quand ils sont avec leur femme. Ça, c'est ici, là. Khali Amma. Hein? Non, mais moi je ne vais pas en rapporter beaucoup d'exemples, etc. Mais il y a des choses. Hein? Moi je suis conscient de ça, c'est connu. Sens, non, tu dis ça, moi, quand il le prend, tu passes, c'est tout. Là, c'est ça, mon frère, c'est pas. Hein? Yani, c'est pour ça, c'est pour dire que des fois, on croit que c'est des choses que c'est bien qu'on fait, mais c'est des choses qui sont de l'exagération dans la religion. C'est vrai, parce qu'on n'a pas de dawa bicharaïa. Cheikh Falah Ismail a dit c'est l'exagération. Si, par exemple, tu téléphones pour parler avec. Parce que je demande tu téléphones pour parler au mari, pas pour parler à la sœur. Hein? Mais il n'est pas là. Elle dit, Naam, c'est qui? C'est voilà, est-ce qu'un tel il est là, est-ce que hein, le frère un tel il est là? Non, il n'est pas là, est-ce que vous voulez dire qu'un tel a téléphoné? Bon, tu raccroches tout ça, malikoum. Tu commences pas à faire la discussion, etc. Non? Hein? Hein? Non, mais le c'est que tu réponds, et là, tu réponds en fonction de ce que. Hein? À la qadr al-haja. C'est agi parce que certains des frères qui sont des fois comme ça, ils n'ont pas ce problème-là avec certains non-musulmans. Ou dans certaines administrations, dans certains, hein, au magasin, ou dans certaines situations, etc. Il y a beaucoup, voilà, si on doit parler des exemples, ni de cette exagération-là, ils sont très nombreux. Très nombreux. D'accord? Faut pas exagérer dans la religion. L'insan, il craint Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il voit une sœur, il baisse les yeux, c'est tout. Hein? Qu'est-ce que je vais faire? Tu vas commencer à courir? Non, tu baisses les yeux, c'est tout. C'est ça qu'il a dit Allah dans le Coran, non? Hein? C'est de baisser le regard. Tu regardes pas, Arifillah. Et le premier regard, comme Cheikh Hassan al-Banna nous a dit, il a dit, c'est pas tu restes et tu restes scotché, non. Le premier regard, c'est, hein, le fajr, c'est que tu n'as pas fait attention, tu as vu, tu baisses directement les yeux. La première regard, tu n'es pas compté sur ce premier regard-là. Hein? Et tu baisses les yeux, la sœur aussi, elle baisse les yeux, c'est tout, faut pas exagérer. Hein? Ce téléphone, par exemple, comme on a dit chez le frère, salam alaikum, mais tu téléphones pas sur le portable de la sœur, évidemment, tu comprends. Mais tu téléphones à la maison, pourquoi? Parce que tu penses que le frère, il est à la maison. Hein? S'il n'a pas un portable, ou s'il est, tu penses qu'il est à la maison, ou pour X ou Y raison, et bien toi, tu lui téléphones et tu lui dis salam alaikum. Ah, est-ce qu'un tel il est là? Non, à fond, est-ce que vous voulez dire qu'un tel a téléphoné? Et tu raccroches et tout, là c'est fini. Tu as dit ce que tu avais à dire et tu as raccroché, alhamdoulilah, les limites ont été respectées, c'est tout. Hein? C'est pas que la soeur le raccroche au nez du frère comme ça, subhanallah. C'est peut-être une, comme l'a dit Cheikh Falah Ismail, il a dit c'est peut-être une urgence, qu'est-ce que tu en sais? Hein? Et ça, c'est un exemple que j'ai voulu citer pour attirer l'attention sur le fait que souvent, on voit ça. On a des fois de l'exagération dans la religion. Hein? Hein? Voilà, c'est ça, c'est pour ça que j'ai dit tout se revient à quoi? Le frère, il a raison quand il parle de cette dara'i'a. Mais cette dara'i'a, le fait de bloquer les voies, ce qui amène au haram, ça c'est légiféré aussi. Dans le sens de quoi? C'est ce qui conforme à la sunna. C'est ça qu'on parle en plus maintenant ici. Hein? C'est ce qui conforme à la sunna. Tu vas pas ramener des choses de toi-même. C'est vrai ou pas? Hein? Tu regardes, est-ce que les ulama ils sont d'accord avec ce que tu fais ou pas? Et moi je vous assure que Cheikh Falah Ismail, moi je passe beaucoup de temps avec lui quand il vient chez nous, etc. Et il y a beaucoup de choses que lui il dit, ça c'est de l'exagération de la religion. Non? Tout ça là, c'est considéré comme une bid'a? Un bid'a ou pas? On avait dit pas de question dans le dars. Non mais ça c'est une exagération, le roulou fid-din. Ça a un nom dans la religion, ça s'appelle al-roulou fid-din. Hein? Le roulou fid-din. Et comme on avait dit hier, quelqu'un il peut être laxiste, ça, ou là? Il peut, Shaitan, il peut lui amener, il lui dira c'est pas assez, jusqu'à ce qu'il exagère, jusqu'à ce qu'il quoi? Il tombe dans l'innovation religieuse, on a dit ça hier. D'accord? Mais de dire que ça c'est une bid'a en tant que tel ou pas, ça, je sais pas, faut demander aux gens de science. D'accord? Hein? Mais c'est juste pour attirer l'attention sur un point, c'est qu'il ne faut pas exagérer. Il faut pas exagérer dans la religion, il faut faire en fonction de ce qu'ont dit les ulama, c'est tout. Hein? Et à la fin du compte, moi je pourrais poser la question, c'est quelqu'un dit, ouais, mais après, eh ben, est-ce que tu as étudié dans les paroles des savants comment se comporter avec, par exemple, les femmes? C'est une simple question. Si tu n'as pas étudié, alors tu agis sans science. Ça, oh là là. Tout est mené dans la religion, tout est mené sur l'ilm. L'ilm, qabla al-qawli wa al-amal. Des fois, tu peux faire quelque chose, ça va être du laxisme, ça va être un manquement, hein, ça va être une erreur aussi. Et d'un autre côté, tu peux tomber sur une autre erreur qui est quoi? L'exagération et l'extrémisme. Et la sunna, c'est juste le milieu. Ça ne veut pas dire que ça n'appelle à commencer à parler aux sœurs, à être laxiste, et ma'alish, et on n'est pas les khwan mouflisin. Hein? D'accord? C'est juste parce que j'ai eu une discussion avec quelqu'un hier, c'est pour ça que j'ai voulu juste attirer l'attention sur ce point-là, c'est tout en fait. C'était ça à titre d'exemple. Et au bled, ils font ça encore jusqu'à aujourd'hui? Les frères, les toulab. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un à la maison. Bah, j'ai jamais entendu ça. Quand tu téléphones à Cheikh Abdel Jamelon, ah, c'est à la maison. Tu téléphones à Cheikh Rabia, tu téléphones à la maison. Hein? Parfois, même t'appelles des chouïours qui tombent sur leurs épaules. Ouais, j'ai pas voulu dire parce que c'est. Hein? Mais... Hein? Donc, c'est pour ça que je filtre un peu ce que j'ai. Hein? C'est vrai ce que tu as dit. J'allais le dire et puis je me suis retenu en fait. En gros, parce que moi j'ai des exemples de ça en fait. En gros, Tariq Bilalim, il veut faire mieux que l'alim. Allah ou alim, on va dire, hein. Khaliha hakada, Allah ou alim. Voilà, et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Raq, non? Ah, pas du tout. Hein? Khala, sahoulala. Voilà, donc est-ce que c'est pas ces gens-là qu'on doit suivre, hein, qu'on doit prendre comme exemple, hein? Mais encore une fois, avec, ouais, le frère il a dit non, tu commences à parler, kif l'hal, etc., ça va, tu vas bien, hein? Et commence à taper la discussion, non, non, non, non. Ça, on n'a pas dit ça. Encore une fois, c'est le juste milieu. Faut pas mal comprendre aussi ce qu'on a dit. On met en garde sur un extrême, faut pas tomber dans l'autre aussi. Hein? Et donc on avait fait une Dora à Birmingham, la première qu'on avait fait il y a quelques années, sous le titre « La salafia, la voie du juste milieu entre l'extrémisme et l'axisme ». Et Cheikh Fouzan, il avait dit une belle parole. Il avait dit « C'est qui décrète ce juste milieu ?» Et c'est qui décrète, hein, c'est qui décrète ce qu'est l'extrémisme et ce qu'est le laxisme ? Ce n'est pas les journalistes, ni les orientalistes, ni, hein, ni les pseudo-spécialistes de l'islam, ni ceci, ni cela. C'est qui ? C'est les ulama de la Ummah. C'est eux qui disent « Ça, c'est l'extrémisme, ça, c'est du laxisme, et ça, c'est ce qui conforme à la sunna. » C'est bon pour la quatrième règle, c'est bon. Cinquième règle. Ben on l'a déjà indiqué en fait dans la quatrième, c'était quoi? Eh bien c'est que Al-Istiqama est lié aux paroles et vous la terminez vous-même maintenant. Et aux actions et aux intentions. Al-Istiqama tu tata'allaqu bil aqwali wal af'ali wal niyat. Fal-Istiqama tu matloubatu min al-abdi istiqama tu fil aqwali wa fil af'ali wa fil niyat. بمعنى أن أقوال العبد وجوارحه وقلبه ينبغي أن تكون كلها ماضية على الاستقامة. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين: والاستقامة تتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات. وفي المسند للإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. Ça, vous vous souvenez qu'on avait déjà rapporté ce hadith, on l'avait pas rapporté de manière complète comme ça. Ou en tout cas plus complète. Eh bien la cinquième règle, quelle est cette règle-là? C'est qu'al-istiqama, elle est liée aux paroles et aux actions et aux intentions. La droiture qui est voulue du serviteur, c'est la droiture dans les paroles et les actions et les intentions. Vous connaissez la doua pour le tonnerre, hein? Le sens de cela est que les paroles du serviteur et ses membres et son cœur doivent tous accomplir la droiture. Et puis il rapporte une parole d'Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala qui a dit dans son livre Madarij Salikin, volume 1, page 105, « Al-istiqama est liée aux paroles et aux actions et aux ahwal, yani aux situations et aux intentions. » Il est rapporté dans le Musnad de l'Imam Ahmad, d'après le hadith d'Anas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La foi d'un serviteur ne sera droite que quand son cœur sera droit, et son cœur ne sera droit que quand sa langue sera droite. » Hier, on s'était arrêté avant la langue. On avait dit, et son cœur ne sera droit, que quand son cœur sera droit. Et donc aujourd'hui, on dit, la foi d'un serviteur ne sera droite que quand son cœur sera droit. Et on continue, et on dit, et son cœur ne sera droit que quand sa langue sera droite. Quand on avait parlé de ce hadith hier, le hadith, il est clair par rapport à ce qu'on a. La foi d'un serviteur ne sera droite que quand son cœur sera droite. C'est par rapport à quelle règle? C'est celle que tu avais dit toi d'ailleurs. Ah, as l'istiqama, istiqamat al-qalb. La base de la droiture, c'est la droiture du cœur. On est d'accord? C'est pour ça qu'on avait cité ça. Ibn Rajab, rahimahullah, il a dit la chose la plus importante après le cœur parmi les membres. وقال ابن رجب رحمه الله وأعظم ما يراعى استقامته بعد القلب من الجوارح اللسان فإنه ترجمان القلب والمعبر عنه ويلاحظ هنا خطورة القلب واللسان على العبد في باب الاستقامة أو الجنوح عليه عنها وفي هذا المعنى قال بعض أهل العلم المرء بأصغريه قلبه ولسانه فالقلب واللسان كلاهما مضغة صغيرة جدا إلا أن جوارح العبد كلها تبع لهما إذا استقام القلب واستقام اللسان واستقام اللسان استقامت الجوارح. Ibn Rajab رحمه الله, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit la chose la plus importante après le cœur, parmi les membres, c'est quoi? La langue. Mais il a dit la chose la plus importante après le cœur, parmi les membres, dont on doit surveiller la droiture, c'est la langue, car elle est l'interprète du cœur et celle qui s'exprime pour lui. Voir jamais l'ulum al-hikam, page 386. Chéri, il faut faire ici attention au danger du cœur et de la langue pour le serviteur en ce qui concerne la droiture et l'istiqama ou d'en dévier. Et dans ce sens, certains parmi les gens de science ont dit l'individu est par ses deux plus petits, son cœur et sa langue. Vous avez vu la taille d'une langue? La taille d'un cœur par rapport au corps humain, hein? Mais malgré ça, la base, c'est quoi? C'est le cœur et la langue. Chéril dit, le cœur et la langue sont tous deux un très petit bout de chair, mais tous les membres du corps du serviteur les suivent. Si le cœur et la langue sont droits, alors les membres le sont aussi. La preuve pour le premier, mais vous connaissez, vous savez parler à ma place là. Hein? C'est quoi la preuve pour le premier? C'est-à-dire quoi le premier? Le cœur? C'est quoi la preuve? Ida? Wa ida fasadat? Ala wa hiya? Al-qalb? C'est le hadith de qui l'a rapporté? Na'man? Ibn Bashir? Hein? Rajul an wa arda? Mais c'est ça le hadith. Il l'a cité ici. Wa dalil awwal ana al-qalb. Hadith Na'man ibn Bashir, al-sabiq. النعمان بن بشير السابق ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ودليل الثاني ها و pour les frères qui ont l'arabe c'est facile hein? Ils ont l'arabe devant eux là hein? Si j'ai même plus le truc de pouvoir poser les questions là ودليل الثاني أي اللسان ما رواه الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا. C'est quoi les preuves que de ce qu'on vient d'avancer? Eh bien, la preuve pour le premier, c'est-à-dire le cœur, est le hadith d'An-Nu'man ibn Bashir Kalalagré qu'on a cité précédemment. Il y a dans le corps un bout de chair, s'il est bon, tout le corps sera bon, et s'il est corrompu, tout le corps sera corrompu, c'est le cœur. Et la preuve du deuxième, c'est-à-dire la langue, est ce qu'a rapporté Tirmidhi, d'après le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, qu'elle a l'agré que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, lorsque le fils d'Adam s'éveille le matin, tous ses membres se font humbles devant la langue et lui disent, crains Allah en ce qui nous concerne, car nous dépendons de toi. Si tu es droite, nous serons droits, et si tu es tordu, nous serons tordus. الشيخ يدي فإذا استقام القلب استقامت الجوارح وإذا استقام اللسان استقامت الجوارح واللسان ترجمان القلب وخليفته في ظاهر البدن فإذا أسند القلب إلى اللسان الأمر نفذ فاللسان تابع للقلب والجوارح تابعة لهما. Donc si le cœur est droit, les membres le sont aussi. Et si la langue est droite, les membres sont droits. Et la langue est l'interprète du cœur et son lieutenant dans ce qui est apparent du corps. Puis le cheikh dit, si le cœur délègue l'affaire à la langue, elle l'exécute. La langue est donc dépendante du cœur, et les membres sont dépendants des deux, c'est-à-dire du cœur et de la langue. C'est pour cela qu'il est obligatoire aux musulmans de donner de l'importance à la piété de son cœur, le cheikh dit. « وَلِهَذَا كَانَ وَاجِبًا عَلَى كُلِّ مُسْلِمِينَ » أن يعنى بصلاح قلبه وأن يسأل ربه تبارك وتعالى أن يصلح قلبه وأن يذهب عنه أمراض القلوب وأسقامها وأدواءها وسخائبها ثم يعمل على إصلاح لسانه بالأقوال الزاكيات وجوارحه بالأعمال الصالحات. C'est pour cela qu'il est obligatoire aux musulmans de donner de l'importance à la piété de son cœur et de demander à son Seigneur de lui réformer son cœur et de lui enlever les maladies du cœur et ses maux et ses haines et ses défauts. Puis ensuite, il est aussi obligatoire de travailler à réformer sa langue en disant des paroles pures et ses membres en accomplissant des œuvres pieuses. Alors, qui sait me dire c'était quoi cette cinquième règle, en tout cas quelques points, préférence des frères qui n'ont pas encore participé. Je vais bientôt partir, inchallah, jusqu'à la fin, inchallah. C'est vrai, c'est que les actions sont, les siqamas c'est dans les actions, et les paroles et les intentions. Naam. C'est quoi le titre de la cinquième règle? C'est ce qu'il vient de dire, d'accord? C'est que la droiture est liée à quoi? Aux paroles, aux actions, aux intentions, on est d'accord? C'est de ça qu'on parle ici. Qu'est-ce qu'on a dit après ça? C'est quoi le hadith d'Anas? La foi ne sera droite que quand le cœur sera droit, oui. Et le cœur ne sera droit que quand la langue sera droite. Naam, c'est qui l'a rapporté? L'imam Ahmed, rahimahullah, dans son mousnad, d'après Anas ibn Malik, et wa. Quoi d'autre? Ibn Qayyim, il a dit par rapport à ça, il a dit directement quelque chose, il a dit al-istiqama est lié aux paroles et aux actions, ou aux situations et aux intentions. C'est Ibn Rajab, qu'est-ce qu'il a dit? La chose la plus importante, après le cœur, parmi les membres, c'est quoi? C'est la langue, dont on doit surveiller la droiture. Pourquoi? Parce que la langue, c'est l'interprète du cœur, turjama al-qalb, et celle qui s'exprime pour lui. Donc il faut faire attention au danger du cœur et de la langue. Qu'est-ce qu'on dit certains gens de science par rapport au cœur et à la langue? L'individu est par ses deux plus petits, c'est le cœur et la langue. C'est quoi la preuve du cœur? Il pleut comme ça chez vous souvent? Ça c'est en Angleterre là. Hein? Vous connaissez le doua quand il pleut, hein, à faire, etc. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi la preuve par rapport au cœur? C'est le hadith de Nu'man Ibn Bashir. Et le hadith par rapport à la langue, c'est quoi? Allez, c'est qui l'a rapporté le rawi, le sahabi? Abu Sa'id al-Khudri, na'am. Qu'est-ce qu'il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Lorsque le fils d'Adam s'est levé le matin, tous ses membres se font humbles devant la langue et lui disent, crains Allah en ce qui nous concerne, car nous dépendons de toi. Si tu es droit, nous serons droit, et si tu es tordu, nous serons tordus. Donc qu'est-ce qu'on déduit de ça, de ce hadith? Que la langue dépend du cœur, et que tous les autres membres dépendent des deux, c'est-à-dire quoi, le cœur et la langue. Sixième règle. القاعدة السادسة لا تكون الاستقامة إلا لله وبالله وعلى أمر الله أولا لله أي خالصة بمعنى أن يستقيم العبد وأن يلزم صراط الله المستقيم مخلصا بذلك الأمر لله عز وجل طالبا به ثوابه ورضاه قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين لأن سيزم غير كلا ستغير كلا ستغير الاستقامة la droiture n'est vouée que pour Allah. Il ne peut être accompli qu'avec l'aide d'Allah et sur l'ordre d'Allah. Trois choses ici. On dit quoi? Que pour Allah, qu'avec l'aide d'Allah et sur l'ordre d'Allah. Qu'est-ce que ça veut dire ces trois points-là? On va les faire un par un, inshallah. Pour Allah, c'est-à-dire sincère. C'est-à-dire que les serviteurs soient droits et qu'ils s'attachent au droit chemin d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Sincèrement pour Allah, cherchant à obtenir par cela sa récompense et sa satisfaction. La traduction du sens de la parole d'Allah dit, il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah lui vouant un culte exclusif, et c'est surat al-Bayyinah, verset 5. Donc le premier, c'est que ce soit voué de manière sincère, exclusive pour Allah subhanahu wa ta'ala. 6. Hein? Ouais, 6. Wa billah ay musta'inan ala tahqiqha wal qiyam biha wal thabati 'alayha billahi tabaarak wa ta'ala. Fa'budhu wa tawakkal 'alayh. Avec l'aide d'Allah, c'est-à-dire demandant l'aide d'Allah pour la réaliser et s'en acquitter et pour rester ferme sur la droiture. Et c'est un verset dont la traduction du sens est « Adore-le donc et place ta confiance en lui. » Surat Hud, verset 123. « Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in » Et dans le hadith sahih, « Ihris ala ma yanfa'uk wa sta'in billah » La traduction du sens de la parole d'Allah dit « C'est toi seul que nous adorons » Et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Et c'est surat al-Fatiha, verset 5. Et dans le hadith authentique, désire ardemment ce qui t'est bénéfique et demande l'aide à Allah. C'est un hadith rapporté par un musulman d'après Abu Huraira radiallahu anhu arda, numéro 2664. Donc on a dit pourquoi au début? Pour Allah, de manière exclusive pour Allah. Après c'est quoi? avec l'aide d'Allah. On a cité un verset de Surat Fatiha, un verset de Surat Hud, et un hadith rapporté par Muslim d'après Abu Huraira. Et troisième, c'est Ala Amrillah. أي أن يسير في استقامة على النهج القويم والصراط المستقيم الذي أمر الله سبحانه وتعالى عباده به كما قال تعالى فاستقم كما أمرت. وقد سبق ذكر بعض الآثار عن السلف رحمهم الله تعالى في تقرير هذا المعنى كقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ثم استقاموا أي استقاموا في أداء الفرائض. وقال الحسن أي الحسن البصري رحمه الله استقاموا على أمر الله فعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته. وأمر الله سبحانه وتعالى هو شرعه الذي بعث به نبيه صلوات الله وسلامه عليه. Sur l'ordre d'Allah, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il soit dans sa droiture sur la voie droite et le droit chemin qu'Allah a ordonné à ses serviteurs de prendre, comme la traduction du sens de la parole d'Allah dit, puis qu'ils se tiennent droit, c'est-à-dire se tiennent droit dans l'acquittement de leurs obligations. On avait déjà dit ça, c'était une explication de qui? D'Ibn Abbas, hein? Radiallahu anhuma. Et le Hassan, il a dit qu'ils se tiennent droit sur l'ordre d'Allah et pratiquent son obéissance et s'écartent de sa désobéissance. Et l'ordre d'Allah, c'est quoi? C'est sa religion avec laquelle il a envoyé son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, c'est quoi cette sixième règle qu'on a vue? Non? Non? Quelqu'un a un stylo? Parce que le mien il est cassé là. Vas-y, je t'écoute. Hein. Explique-moi ce que ça veut dire pour Allah. Non, lui le frère. Non? Ça y est, maintenant t'es rodé, t'as participé tout le week-end donc c'est bon. C'est une preuve? Vas-y, dis-moi. C'est-à-dire? وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. C'est juste ce que tu as dit. Est-ce que tu as une autre preuve? Quelqu'un d'autre a une autre preuve? Surat al-Fatiha, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ. Quoi d'autre? وَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. On n'a pas cité, mais c'est une preuve, Nani, c'est une preuve, Nani. Deuxième point, c'est quoi? Avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Est-ce que vous avez une... C'est ça le verset de Surat al-Fatiha, c'est ça dessus qu'on a cité. En fait. C'est quoi? Naam? Fa'budhu wa tawakkal. Allez. Une autre preuve? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Une autre preuve? Quel hadith? C'est qui l'a rapporté? Mais c'est bien ce que tu as dit, c'est juste. Mais en plus, termine. Ou commence-le plutôt. Haris ala man yanfa'uk wa sta'in billah. C'est ça le mahal shahid. C'est-à-dire, il demande l'aide à Allah. C'est qui l'a rapporté? J'ai insisté, en plus, j'avais bien répété plusieurs fois. Na'abbas, c'est sûr. Ouais. C'est l'imam? Et où les frères? On vérifie. Vous avez les feuilles, non? Hein? C'est qui? Moi, je dis que c'est pas Ibn Abbas. Moi, je dis que c'est Abu Huraira rapporté par un musulman. Hein? D'accord? Numéro 2664. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Il a dit un autre? Non, je pense que c'est pas ça. Ah, et si tu demandes l'aide à Allah. Troisième point, sur l'ordre d'Allah. Je vous ai dit la réponse là. Hein? Qu'est-ce qu'on a dit par rapport à ça? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi l'ordre d'Allah? Sa religion avec laquelle a envoyé son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non? C'est-à-dire? C'est la mustaqim, la voie droite, et nahj al-qawim, non? Le droit chemin qu'Allah ordonne à ses serviteurs de prendre. On a expliqué, on a rapporté le tafsir d'Ibn Abbas. Hein? ثم استقاموا il a dit quoi ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا il a dit ثم استقاموا puis se tiennent droit sur le chemin c'est-à-dire ils se tiennent droit dans leur acquittement de leurs obligations qu'est-ce qu'il a dit le Hassan al-Basri rahimahullah sur ceux qui sont sur le droit chemin il a dit quoi et comment il les a décrits la réponse elle est dans le titre qui se tiennent droit sur l'ordre d'Allah et pratiquent son obéissance c'est suffisant non et s'écartent de la désobéissance. Septième règle. Pourquoi ouvrir un peu ce qui fait un peu chaud, non? Ouvre bien parce que les frères. C'est bon? Vous voulez la clim? Vous voulez. Ouais. Hein? L'air naturel, préférez l'air naturel. Vous dites si c'est trop froid, vous dites, mais non, c'est pas grave. La septième règle. C'est couvert au-dessus des sœurs ou pas là? Elles ont la toit. القاعدة السابعة على العبد مهما استقام ألا يتكل على عمله. Ah, ça c'est une règle très très importante aussi. Que le serviteur, quelle que soit sa droiture, ne doit pas compter sur ses propres actions. الواجب على العبد أن لا يتكل على عمله مهما صلح واستقام ولا يغتر بعبادته ولا بكثرة ذكره لله ولا بغير ذلك من الطاعات وفي هذا المعنى يقول ابن القيم رحمه الله والمطلوب من العبد الاستقامة وهي السداد فإن لم يقدر عليها فالمقاربة فإن نزل عنها فالتفريط والإضاعة كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بمغفرة ورحمة. Ce qui est obligatoire au serviteur, c'est de ne pas compter sur ses propres actions, quel que soit son niveau de bonté et de droiture, et de ne pas se laisser berner par sa propre adoration, ni par sa quantité d'invocation, ni quoi que ce soit d'autre parmi les actes d'obéissance. Et dans ce sens, Ibn Qayyim rahimahullah, il a dit. Ce qui est demandé au serviteur, c'est la droiture qui est l'exactitude. Et s'il n'en est pas capable, c'est d'en s'en rapprocher. Et s'il renonce à cela, alors c'est la négligence et la perte, comme cela a été rapporté dans les deux authentiques d'après le hadith de Aïcha radiallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit atteignez l'exactitude ou rapprochez-vous-en et réjouissez-vous, nul entrera au paradis par ses actions. Ils dirent, ni même toi, au messager d'Allah. Il répondit, ni même moi, sauf si Allah me couvre de pardon et de miséricorde. Ce hadith regroupe donc tous les degrés de la religion. Il a commandé la droiture, qui est l'exactitude, et le fait d'atteindre l'objectif dans les intentions, et les paroles, et quoi? Et les actions. Et il a informé dans le hadith de Thauban, c'est-à-dire, soyez droit, mais vous ne pourrez jamais tout faire, et sachez que la meilleure de vos actions est la prière, qui n'en seront pas capables. Il les a donc orientés à s'en rapprocher, et c'est de se rapprocher de la droiture en fonction de leur capacité. Et en plus, il les a informés que la droiture à l'istiqama et le rapprochement à l'muqaraba ne sauvent pas la personne le jour du jugement dernier, que personne ne se fie donc à ses actions et n'en soit infatué, ni que soit imbu de sa personne ou soit fier de ses propres actions, et qu'il ne pense pas qu'elles vont le sauver. Le salut n'est que par la miséricorde d'Allah et son pardon et sa grâce. Voir Madarij Salikin, volume 2, page 105. Alors c'était quoi cette septième règle? Vas-y. Quelle que soit la droiture du serviteur et sa bonté, il ne doit pas quoi? Compter sur ses propres actions. Tu as une preuve de ça, mon frère? Si tu peux rapporter par le sens, c'est pas... Si tu peux, tu as une preuve de ça? Tu te rappelles du hadith? Quelqu'un peut l'aider? Vas-y. Ah, tu regardes tes notes là. Ah non. Vas-y. Ça. C'est qui a rapporté ça? T'étais là? J'étais là. T'étais là? Là, t'étais là au cours, bien sûr, t'étais là au cours. Hein? Non. Aïcha l'a rapporté du professeur Hassan qui l'a dit. Il a dit que personne ne se rend au paradis, sauf moi, et un compagnon qui l'a dit. Quoi? J'ai pas entendu ce que tu as dit. Personne n'entrera au paradis par ses actions. Par ses actions. Hein? Et donc, il y a un compagnon qui a dit, même toi, il y a Rasulullah. Il dit, même toi, hein, ni même toi, au messager d'Allah. Il a dit, ni même. Hein? Sauf. Voilà, c'est sauf Allah Azza wa Jal, quoi il a dit exactement? Un état remédien Allah ou bi? Hein? Non? Wa rahma. Hein? Que Allah me couvre de sa miséricorde. Hein? Et de son pardon. On a dit quelque chose d'autre? Il y a un autre hadith aussi, si tu peux nous rappeler, Inch'Allah. Le hadith de Sauban. Celui qui est rentré au paradis, il est transparent à la gueule. Tu m'as posé mal à ma question, il a dit souhaité rentrer par tes actions ou par. Il faudrait que je le traduise, etc. Moi, je prépare sur mes traductions, tu vois. Donc, on rapporte-le en arabe au frère si tu veux, mais. Mais pour le traduire, ce sera pas. Comme je l'ai pas. Tradition du hadith, faut toujours revenir aux explications des. Hein, c'est pour ça que c'est pour ça que vous voyez que j'ai toujours tout à préparer avant. Et je fais que lire en fait. Parce que c'est un travail avant. Hein? Donc, on n'a rien dit d'autre? La part d'Ibn Qayyim, qu'est-ce qu'il a dit? Allez, on passe à la huitième. القاعدة الثامنة ثمرة الاستقامة في الدنيا الاستقامة على الصراط يوم القيامة من هدي في الدنيا إلى صراط الله المستقيم هدي في الدار الآخرة إلى الصراط المستقيم المنصوب على متن جهنم فيوم القيامة ينصب صراط على متن جهنم أحد من السيف وأدق من الشعرة ويؤمر الناس بالمرور عليه وتفاوتون في مرورهم عليه تفاوتهم في الأعمال والاستقامة على صراط الله المستقيم في هذه الحياة الدنيا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فمن هدي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل به رسوله وأنزل به كتبه هدي هناك إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنته ودار ثوابه وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار يكون ثبوت قدمي على الصراط المنصوب على متن جهنم وعلى قدر سيره على هذه الصراط يكون سيره على ذاك الصراط فمنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالطرف ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كشد الركاب ومنهم من يسعى سعياء ومنهم من يمشي مشياء ومنهم من يحبو حبواء ومنهم المخدوش المسلم ومنهم المكردس في النار فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط من سيره على هذا حذو القذة بالقذة جزاء وفاقا هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. Quelle est cette huitième règle? Le fruit de la droiture dans ce bas monde Et la droiture sur le chemin le jour du jugement dernier. Celui qui était guidé dans le bas monde vers le droit chemin d'Allah sera guidé dans l'au-delà vers le droit chemin érigé au-dessus de l'enfer. Le jour du jugement dernier, un chemin est érigé au-dessus de l'enfer, plus aiguisé que le sabre et plus fin que le cheveu. L'ordre sera donné aux gens d'y passer. Ils seront différents dans la manière de passer sur ce chemin, comme ils diffèrent dans leurs actions et leur droiture sur le droit chemin d'Allah dans ce bas monde. Ibn Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a dit, rahimahullah, celui donc qui est guidé dans ce bas monde vers le droit chemin d'Allah, avec lequel il a envoyé ses messagers et révélé ses livres, sera guidé là-bas, c'est-à-dire dans l'autre monde, vers le chemin droit, qui amène à son paradis et à la demeure de sa récompense, en fonction de l'affermissement du pied du serviteur sur ce chemin qu'Allah a érigé pour ses serviteurs dans ce monde, sera l'affermissement de son pied sur le chemin érigé au-dessus de l'enfer. Et en fonction de son avancement sur ce chemin-ci dans ce bas monde, sera son avancement sur ce chemin-là dans l'au-delà. Certains y passeront comme l'éclair, d'autres comme un clin d'œil, d'autres encore comme le vent, d'autres encore comme un chameau, d'autres en courant, d'autres en marchant, et d'autres encore en rampant. Certains parmi eux seront sauvés mais égratignés, d'autres jetés en enfer. Que le serviteur voit son passage sur ce chemin-là dans l'au-delà, en fonction de son passage sur celui-ci dans ce bas monde. Comme se ressemblent les plumes d'une flèche, et ce comme rétribution équitable. La traduction du sens de la parole d'Allah dit, n'êtes-vous pas uniquement rétribué selon ce que vous œuvriez? Surat Al-Naml, verset 90. Écoutez ce que va dire le cheikh ici. Ça, c'est une nasiha de sa part. ولينظر الشبهات والشوات التي تعوق عن سيره على هذا الصراط المستقيم، فإن الكلاليب التي بجنبتي ذاك الصراط تخطفه وتعوق على عن المرور عليه، فإن كثرت هنا وقويت فكذلك هي هناك. وما ربك بظلام للعبيد، سورة فصلت. من كان في هذه الحياة الدنيا تخطفه الشبهات والشهوات عن الصراط المستقيم، فستخطفه الكلاليب التي على جنبتي الصراط يوم القيامة، مثلما خطفته الشبهات والشهوات في الدنيا. وله كلام آخر قريب من هذا في كتابه الجواب الكافي. Et qu'il prenne garde aux ambiguïtés et aux passions qui l'empêchent d'aller sur ce droit chemin, car les crochets qui sont des deux côtés de ce droit chemin le happent et l'empêchent de passer dessus. Ils sont nombreux, s'ils sont nombreux et forts ici, eh bien il y en a là-bas aussi. La traduction du sens de la parole d'Allah dit: ton Seigneur cependant n'est point injuste envers les serviteurs. Sourate Fussilat, verset 46. Fin de citation d'Ibn Qayyim rahimahullah dans Madarij Salikin, volume 1, page 10. Celui qui est happé dans la vie de ce bas monde par les ambiguïtés et les passions, qu'il éloigne du droit chemin, sera happé par les crochets qui sont des deux côtés du chemin le jour du jugement dernier. Comme le happe les ambiguïtés et les passions dans le bas monde. Et Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, il a aussi une parole similaire dans son livre Al-Jawab al-Kafi, page 123. Alors c'est quoi cette huitième règle? Voilà, c'est ça, dans l'au-delà. Hein? C'est quoi? C'est que le fruit d'être ferme sur la voie de droiture et d'être droit sur le droit chemin d'Allah Azza wa Jalla dans cette dunya, eh bien, c'est d'être ferme sur le sirat, hein? Yawm al-Qiyam, le jour du jugement dernier. Et c'est une juste rétribution, ça, oh là là. Qui s'est me donné un délit par rapport à cette juste rétribution? Je viens de le citer en plus. Hein? Naam. En arabe, peut-être quelqu'un connaît le verset. Hein? Mais je n'ai pas cité celui-là. Jaza un wifaqa. Hein? Non? Ah oui, parce que c'est vrai. Hein? Personne? Ah oui, c'est vrai, on l'a cité. Omar Abouka Bizalam il a dit, on l'a cité. Pour être facile. Vous avez cité un autre verset avant. Non? C'est vrai? Non, ça est. On l'a cité hier, mais on ne l'a pas cité maintenant. Dans un des cours, j'ai cité hier. Vous savez qu'on a parlé de l'hadith Qudsi, Inni harramtu zum ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu. Vous vous souvenez le hadith, hein? Ok. Ya ibadi, n'am. Hal tujzawna illa ma kuntum ta'amaloun. Surat An-Naml, verset 90, ça va? Verset 90. Hal tujzawna illa ma kuntum ta'amaloun. Ça va? Quelque chose d'autre à dire par rapport à ça? Non? Vas-y. Après tu peux. Vas-y. Non? Ah, comme il y a des crochets sur le sirat. Hein, on a dit, minhum al-mukhardash al-musallam, c'est-à-dire celui qui est égratigné mais qui est sauf, alhamdulillah, et puis il y en a d'autres qui sont jetés en enfer, l'a'udhu billah. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils sont happés par les crochets. Et bien, comme il y a des crochets qui happent sur le sirat, et bien, qu'est-ce qu'il y a dans cette dunya? C'est quoi qui te happe et qui te sort en dehors du sirat? C'est quoi? Et les ambiguïtés et les passions, les deux. On va le voir ça dans la règle qui suit, Inch'Allah. Hein? Les ambiguïtés et les passions. Shubuhat et Shahawat. C'est pour ça qu'on a insisté hier sur le Shubuhat et sur Shahawat. Quand tu veux marcher sur le droit chemin, tu veux aller jusqu'à ce que tu rencontres Allah subhanahu wa ta'ala, fais attention de ne pas être tiré du droit chemin, hein, par les Shubuhat ou les Shahawat. On est taqa Shubuhat, faqad istabra'a. Hein? Et dini huwa yardi, sahoulala. Hein? Celui qui se préserve des chouettes, il aura préservé quoi? Sa religion, son honneur. Comme l'a dit Charles Foisin, son honneur, c'est-à-dire qu'il évitera que les gens parlent de lui, sur lui. Hein? Neuvième règle. C'est justement ce que je viens de dire. C'est quoi? Eh bien, les choses qui empêchent d'être sur la droiture sont quoi? Les ambiguïtés de l'égarement et les désirs des péchés. Al-Mawani'u. أي القاعدة التاسعة الموانع من الاستقامة الشبهات والضلال أو الشهوات الغي. Est-ce qu'ils ont du son, tu crois, malgré الشبهات والشهوات قواطع وموانع صادة عن الاستقامة والسائر على صراط الله المستقيم يمر في سيره باستمرار باستمرار بشبهات وشهوات تصرفه وتحرفه عن صراط الله المستقيم. فكل من ينحرف عن الاستقامة إما أن ينحرف عنها بشهوة أو بشبهة. والشهوة فساد في العمل والشبهة فساد في العلم. قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Les ambiguïtés et les passions sont des entraves et des obstacles qui détournent de la droiture. Et celui qui est sur le droit chemin d'Allah passe de manière répétitive dans son cheminement par des ambiguïtés et des passions qui le détournent et le font dévier du droit chemin d'Allah. Toute personne qui dévie de la droiture, c'est soit à cause d'une ambiguïté ou d'une passion. La passion est une corruption dans l'action et l'ambiguïté est une corruption dans la science. Et moi je parlais avec un frère, on avait une discussion, et je lui parlais d'un quelqu'un qui était très proche de moi, un frère salafi, le frère il connaissait beaucoup du Coran, il s'était converti, un frère congolais, il connaissait la langue arabe, il avait étudié en Égypte, peut-être que les frères en Égypte ils le connaissent, tu vois c'est qui, il connaissait pas mal de Coran, un jeune très prometteur, il était tout le temps avec moi, etc. Il a appris la langue arabe, il connaissait aussi le talata par cœur, il connaissait des moutons, il étudiait le moulkhas al-fiqh de Cheikh al-Fawzan, le Coran, etc. Salafi, masha'Allah, salafi. Il dit, je ne suis plus musulman. Il a quitté la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est, je vous parle d'un cas, un ami à moi, qui est parmi les frères les plus proches de moi. Yani le cercle le plus proche de moi. Il y a des raisons, mais il n'y a pas de raison. Non, mais lui, des justificatifs. Il a donné. Il a donné. Et justement, c'est pour ça que j'ai pensé à lui, parce que c'est Shubhat et Shahawat. Mais subhanallah, moi j'avais vu, parce que bon, j'étais à l'étranger, etc. Je ne le voyais plus pendant des années, etc. Mais dans les derniers temps, je le voyais sur son visage, je voyais des changements, je voyais des... etc. Jusqu'au jour, khalas, il a dit au frère, il a dit c'est fini, il a dit moi je crois, je suis plus musulman, etc. Il a tout lâché. C'est pas qu'il a lâché la prière ou que il a dit, khalas, il est sorti d'islam. Là on parle de ridda, là, d'apostasie. C'est pour ça, ikhwa, il faut demander Allah Azza wa Jalla. Là c'est on le lit dans les chapitres de fiqh, il y a un bab qui s'appelle quoi? Ridda, ça ou là? Il y a un chapitre qui s'attache à étudier tout ce qui concerne l'apostasie, etc. On le lit, etc. Mais quand tu le vois, devant toi, c'est autre chose. Ça existe, ça arrive. Alhamdulillah, il y en a qui reviennent à l'islam après, alhamdulillah. D'accord? Voilà, qu'Allah le guide. Qu'Allah le ramène à l'islam, qu'Allah le ramène à la guidance. J'ai jamais eu l'occasion de le revoir. Parce que je voudrais lui dire, tu as goûté la foi. Tu as goûté la vérité, tu as connu la vérité en détail avec Adil la Sharaïa. Avec Qal Allah, Qal Rasul, tu faisais toi da'wa aux gens. Tu débattais avec les gens, tu faisais da'wa aux non-musulmans, tu faisais da'wa aux musulmans qui étaient égarés. Tu appelais à la salafia en détail avec Dalil. Tu lisais les livres des ulama. Allah t'a donné la langue arabe pour que tu puisses apprendre, etc. Il t'a donné un certain, une bonne portion du Coran. Avec tes jouets, etc. Le frère, il avançait bien, mashallah. Ibn Qayyim rahimahullah raconte une histoire. Il a dit qu'il y avait un muadzin qui faisait l'adhan dans un minaret. Et dans la maison d'à côté, il y avait la maison d'un chrétien. Et il avait une belle fille. Il avait quoi? Une belle fille, le chrétien. Et il est tombé amoureux de cette fille-là. Parce qu'il m'a regardé en haut et il laissait son regard partir. Et donc il la voyait. Et il lui a fait savoir, Annie, qu'il l'aimait, etc. Il lui a dit, moi j'ai pas de solution pour ça, tu dois aller voir mon père. Quand elle était voir son père, elle a dit, on ne peut pas t'accepter, tu n'es pas chrétien. Elle a dit, je deviens chrétien. Et Cheikh Zimali, quand il rapporte cette histoire, il dit qu'un jour, il est monté sur le toit, il est tombé, il est mort. Donc ça veut dire, irtad d'andinillah, il est mort, murtad, et il n'a pas eu la femme. Des histoires comme ça, il y en a. Non? Le sport, la personne n'était pas sincère. Qu'est-ce que tu as dit le verset c'est Omar Rabbuka Bizallamin Al-Hadid, Hadahua. Et c'est quoi? Il faut demander à Allah Azza wa Jalla. Moi je vous parle de quelqu'un, il avait le hiya, il avait le sunnah sur lui, le khamis court, hein? Salafi, yani quoi? Il n'y a pas salafi. Moi je le connais bien. Yani le manhaj, masha'Allah. Vous connaissez le qawa'id, etc. Il refute les al-bida'a. Hein, tu vois de qui je veux. Hein, on te l'a dit. Hein, regarde, même les gens qui. C'est loin de chez toi pourtant. Le frère, il est à Bruxelles là. Enfin, le frère, c'est plus un frère. Hein? Ah, ils t'ont dit comme ça. Il y a des frères qui essaient de le voir de temps en temps, qui essaient de lui parler, etc. Mais. À la coulisse. Donc, regardez, c'est pour ça que je vous dis, Ikhwa. Faut pas croire que parce que tu es Allah, n'am alik. Tu es sur Sirat al-Mustaqim. Allah l'a voulu, il t'a choisi parmi les gens pour être musulman. Et parmi les musulmans, il t'a choisi pour être salafi. Et peut-être parmi les salafis, Allah t'a choisi pour être un talib ilm. Hein? Attention. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un gage en soi. Nasallu ala al-tabat ila al-mamat. C'est ça qu'il faut dire. Nasallu ala al-husn al-khatima. Hein? Et d'un autre côté, alhamdoulilah, vous avez des gens qui se convertissent, alhamdoulilah. Et Allah Azza wa Jal, n'ahsim kadalik wa namzaka ala Allah ahadan, et Allah leur donne la bonne voie. Vous avez entendu parler d'Abu Talha chez nous, à Birmingham? Hein? Vous avez entendu parler de lui? Abu Talha, Daoud Burbanks, il s'appelle, rahimahullah. C'est un frère converti qui a étudié dans les années 80 à l'université de Médine. Hein? C'est un des précurseurs de la da'wah salafia en Angleterre. C'était le spécialiste mondial de la traduction en Angleterre, en anglais. Là, moi, beaucoup de gens, ils ont dit, hein? Ouais, c'est ça, c'est lui. Vous avez entendu parler, hein? Allez, c'est. Les mashikhs, ils les connaissent. Il étudie Cheikh Mohamed Amal Jami, il étudie Cheikh Mohamed Ansari, il étudie Cheikh Rabi, Cheikh Mohamed. Les mashikhs, ils ont assisté à sa janaza. Il est mort comment? Il avait une cinquantaine, rahmahullah. C'est quelqu'un qui était très attaché à la sunna, il a fait un gros travail. Hein? Rahmatullah alayhi, il est mort cette année. C'était, si pas le da'i principal, parmi les du'as principaux chez nous dans notre mosquée là-bas. Et dans tout le monde anglophone. Il a traduit les livres que nous on connaît en arabe qui sont importants, et c'est lui qui les a traduits en France, en anglais. D'ailleurs, il a fait Al-Fusul min Sirat al-Rasul, il l'a pas publié parce qu'il est mort avant, il a fait 3 volumes. Hein, rahmatullah alayh. Il a fait un très très gros, sa spécialité c'est le hadith en plus. Un frère converti, hein. Il a dit, parce qu'au début, c'était quelqu'un qui était dans les milieux, le milieu d'extrême droite, etc. Et il n'aimait pas l'islam, et c'est comme ça en fait qu'il s'est converti à l'islam. Parce qu'il a étudié le Coran, etc. Et c'est comme ça qu'il a trouvé la vérité, il s'est converti à l'islam. Hein? Puis il est devenu salafi, devenu talib d'ilm, il a étudié à l'université de Médine. Hein? Et Cheikh Falah nous a dit que Cheikh Mohamed Amal Jamil l'aimait beaucoup. Hein? Et c'est connu chez nous quand il venait au cours, chez nous il habitait à 1 heure de la mosquée. Le Jumu'ah, il venait à pied, lui, ses enfants. Et à ses cours, il venait à pied. Hein? C'est quelqu'un qu'on connaît très bien, parce que chez nous, à la mosquée, il faisait le cours lundi, jeudi, pendant des années. Riyad Salihin, il a fait 400 cassettes de Riyad Salihin. Hein? Il a fait Sharh Sunan al-Babari, il n'a pas terminé, rahimahullah. Il avait fait Tahawiyya, il avait fait Usul Talata, il a fait Kitab Tawhid. Comme des frères anglais ont dit, ils ont dit, il n'y a peut-être pas une ibada qu'on fait, hein, ou une manière dont on prie, ou qu'on va le hajj, etc., sans qu'Abu Talha soit lié à ça, parce que c'est lui qui nous a traduit ce qu'on a lu. Et il est parti cette année, rahimahullah, aller le hajj avec son épouse. Ils sont morts tous les deux, lui et son épouse. Ils ont laissé beaucoup d'enfants derrière eux. D'ailleurs, son enfant, juste après, il a été accepté à l'université de Médine. Son fils, Ali Saad. Hein, ils sont morts brûlés en état d'ihram. À Jeddah, ils allaient vers. Ils étaient en état d'ihram, et les morts, ils priaient, ils l'ont trouvé comme ça. Ils l'ont trouvé les mains sur la poitrine. Ils priaient Dhuhr. Et ces deux fils, ils étaient là, hein, ils ont essayé de casser les vitres, etc. Ils ont vu ses parents, leurs parents être brûlés. Les frères, c'est un hajj jani par un groupe salafi de chez nous, et c'est la première fois qu'ils organisaient le hajj en plus. Ils sont morts brûlés en état d'ihram. Hein, vous connaissez les hadiths là-dessus. Rahmatullah hein? Alayh. N'hassibouk adalik on nazik ala Allah ahadan. Et Cheikh Rabi'a, Azzallah Khairan, il a suivi toute la janaza, il téléphonait tout le temps pour savoir comment ça se passait. Les mashaykh, ils ont assisté, ils ont pris sur lui le haram le Mekki. Les mashaykh, ils étaient là, etc. Imagine-toi, le haram le Mekki. Les mashaykh, beaucoup de tolab, les mashaykh, ils ont fait le déplacement pour aller à sa janaza. Hein? Regardez comment la sunna, elle quoi? Wallah, je le connais très bien, c'est quelqu'un de très modeste. Il n'avait même pas de portable. C'est quelqu'un de très très modeste. Il n'avait pas de voiture, rien. Très très modeste. D'ailleurs, dans les daurats, les mashaykh, ils sont là, ils disent, mais où il est où Abu Talha? Hein? Il était caché dans le fond là-bas dans un. Il a dit, ah, viens. Hein, il se cachait, il ne montrait pas, il était très très très humble, très très humble. Hein? Beaucoup de temps, Dani, il a consacré à la traduction, etc. Et subhanallah, lui-même, il avait traduit un hadith sur celui qui meurt en état d'ihram. Hmm? Donc je vous donne, hein? Qui connaît le hadith? C'est celui qui meurt en état d'ihram, qu'est-ce qui se passe? Ou en état de talbiya? Il est ressuscité comment? Allahu Akbar, en faisant quoi? La talbiya. Allahu Akbar. Hein? Et en plus, il est mort quoi, comment? Brûlé. Hein? Inch'Allah. Hein? Nous, on ne dit pas La yuqalu li fulanin shahid, comme ça c'est al-Bukhari. Hein? Sauf si on a un dalil du Coran, la Sunna, on dit non. Sinon, on dit Inch'Allah. Et qu'Allah il accepte cela de Ani, cela de lui. Et, hein? Alors qu'il ne regarde. Bilashek, ils ont dit Ani, c'est une bouchra, etc. C'est une bonne nouvelle. Hein? Mes chers, ils ont parlé. Cheikh Mohamed bin Hadi al-Madkhali, etc. Ils ont accueilli ses deux fils. Parce que ses deux fils étaient avec lui. Ils ont terminé le Hajj. Hein? Ils ont enterré leurs parents. Puis ils ont continué le Hajj. Donc, Alhamdulillah, Ani, il faut demander Allah Azza wa Jal, Husn al-Khatima. Husn al-Khatima. Subhanallah, moi je l'ai vu à Dohor, le jour où il partait. Et je ne savais pas qu'il partait à l'Hajj. Subhanallah, j'étais étonné de le voir, parce qu'il habite très très loin en général, l'année, hein, il vient pour ses cours, etc. à la mosquée. Et Annie, j'étais étonné de le voir, et je ne savais pas, je n'ai pas dû au revoir. Subhanallah. Rahmatullah, allez. C'est pour ça que j'ai dit de cette histoire que des fois on veut passer du temps avec des frères, hein. Et on reporte et après des fois il est trop tard. Wallah al-musta'an. Les ambiguïtés, les passions sont des entraves et des obstacles qui détournent de la droiture. Et celui qui est sur le droit chemin d'Allah passe de manière répétitive dans son cheminement par des ambiguïtés et des passions qui le détournent et le font dévier du droit chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute personne qui dévie de la droiture, ce soit à cause d'une ambiguïté ou d'une passion. La passion est une corruption dans l'action. Et l'ambiguïté c'est quoi? Une corruption dans la science. La traduction du sens de la parole d'Allah dit, c'est un verset qu'on a cité dans le cours d'hier. Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Sourate Al-An'am, verset 153. وجاء في حديث عبد بن مسعود رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا. On a parlé de ce hadith aussi. ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبول على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ عليه الصلاة والسلام وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والشيطان الذي يدعو إلى الانحراف عن صراط الله المستقيم دعوته إلى الانحراف عن صراط الله المستقيم إما بشبهة أو بشهوة. Il est rapporté dans le hadith d'Abdullah bin Mas'oud qala l'agré dans le musnad de l'imam Ahmed numéro 4142 qu'il a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a tracé une ligne puis a dit: ceci est la voie d'Allah. Puis il trace ensuite des lignes à sa droite et à sa gauche. Puis il dit: ce sont des sentiers. À la tête de chacun de ces sentiers, il y a un démon qui y appelle. Puis il récita le verset dont la traduction du sens est: et voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Et ce démon qui appelle à dévier du droit chemin d'Allah, son appel à dévier du droit chemin d'Allah se fait soit. C'est quoi ces moyens? Au moyen, comme on a dit, d'une ambiguïté ou d'une passion. Le shir, il dit: فإذا رأى في التفريط حبب إليه الشهوات وإذا رأى عليه الحرص والمحافظة أدخل عليه الشبهات كما قال بعض السلف: ما أمر الله تعالى بأمر إلا وللشيطان في نزغتان إما إلى تفريط وتقصير وإما إلى مجاوزة وغلو ولا يبالي بأيهما ظفر. قال ابن القيم رحمه الله: وقد اقتطع أكثر الناس إلا أقل القليل في هذين الواديين وادي التقصير ووادي المجاوزة والتعدي والقليل منهم جدا الثابت على الصراط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. S'il voit en la personne le laxisme, il lui fait aimer les passions. Et s'il voit en elle une ardeur et une préservation, il fait entrer en elle les ambiguïtés. Regardez le shaitan comment il est. Comme l'un des plus prédécesseurs a dit: Allah n'a pas ordonné une chose sans que Satan ait quant à cette chose deux incitations, soit vers la négligence et le manquement, soit vers l'excès et l'exagération, et ne se soucie pas duquel il a obtenu. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a dit: la majorité des gens, vous avez entendu, la majorité des gens, sauf un très petit nombre de gens, se sont égarés dans une de ces deux voies, la voie de la négligence et la voie de l'excès et de l'abus. Très peu d'entre eux, les gens sont fermes sur le chemin sur lequel était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Voir Iratatul Lahfan, volume 1, page 136. Et écoutez ce qu'il va dire ici, c'est une très belle parole, il va rapporter quelque chose de très important. وهنا ينبغي أن نستحضر مثلا بديعا عظيما وهو في غاية النفع ثبت في المسند والترمذي وغيرهما من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبة الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور منخاه وعلى باب الصراط داع يقول أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه والصراط الإسلام والصوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. Il convient ici qu'on se rappelle une parabole magnifique et très importante et qui est extrêmement bénéfique. Il a été rapporté de manière authentique dans le Musnad de l'imam Ahmed et dans Tirmidhi et d'autres livres d'après le hadith d'An-Nawas ibn Sam'an qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah a donné en parabole une voie droite. Il y a à chacun de ces deux côtés un mur. Il y a dans ces deux murs des portes ouvertes. À leurs portes, il y a des voiles abaissées. » Si vous voulez, comme s'il y avait des entrées, d'accord ? Avec des voiles quoi ? Abaissées. Hein ? Et à la tête de ce chemin, il y a quelqu'un qui appelle et dit « Oh Jean ! Rentrez tous dans le chemin et ne déviez pas. » Et un autre au-dessus du chemin qui appelle, si quelqu'un veut ouvrir une de ses portes, il lui dit « Malheur à toi, car si tu l'ouvres, tu y entreras. » Le chemin, c'est l'islam. Les deux murs sont les limites d'Allah. Les portes ouvertes sont les interdictions d'Allah. Celui qui appelle à la tête du chemin est le livre d'Allah. Et celui qui appelle au-dessus du chemin, c'est le prêcheur d'Allah dans le cœur de chaque musulman. C'est rapporté par Ahmed dans son Musnad 17634 et Tirmidhi 2859 et Al-Hakim, volume 1, page 244. Il est authentifié par lui. Et Dahabi, rahimahullah, il était d'accord avec lui et authentifié par Cheikh Al-Albani dans Sahel Jami' numéro 3887. Et Cheikh il dit, maintenant il va expliquer cette parabole. Il dit فَتَصَوَّرْ الْمَثَلْ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِ ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبة الصراط صوران أي جداران تمشي في الطريق مستقيم على يمينك جدار وعن يسارك جدار وفي الجدار أبواب كثيرة تمر بها عن يمينك وعن يسارك وهذه الأبواب عليها ستور مرخاة وأنت تعلم أن الباب الذي عليه ستارة ليس كالباب الذي عليه أبواب ومفاتيح فالباب الذي عليه ستارة تدخله بلا كلفة لا يعوقه عن الدخول شيء والمسلم المستقيم إذا أرادت نفسه أن تدخل في شهوة يجد أن قلبه ينقبض ويلفظها ولا يجد راحة ولا اطمأنينة فهذا واعد الله في قلب كل مسلم. Maintenant le Cheikh explique cette parabole en disant حفظه الله تعالى. Représente-toi bien cette parabole, qu'Allah t'en fasse bénéficier. Allah a donné en parabole un chemin droit et à chacun de ces deux côtés un mur. Tu vas sur un chemin droit, avec à ta droite un mur et à ta gauche un mur, et dans les deux murs, beaucoup de portes. Tu passes à ton côté droit et à ton côté gauche, il y a des portes, des entrées si vous voulez, où il y a des voiles abaissées. Et toi tu sais que l'entrée où il y a un voile n'est pas comme l'entrée où il y a des portes et des clés, car l'entrée où il n'y a qu'un voile, tu y entres sans aucun effort. Et rien ne t'empêche d'y entrer. Le musulman droit, lorsque son âme veut entrer dans une passion, il trouve que son cœur se crispe et la rejette. Et il ne trouve ni repos ni apaisement. Ceci est le prêcheur dans le cœur de chaque musulman. Et Cheikh il dit, وَالشَّاهِدُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ عَلَى جَنْبَةِ الطَّرِيقِ الْإِسْتِقَامَةِ أَبْوَابٌ تُخْرِجُ الْإِنسَانَ مِنْ طَرِيقِ الْإِسْتِقَامَةِ وَهَذِي الْأَبْوَابُ تَرْجِعُ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى أَمْرَيْنِ إِمَّا شُبُهَاتٌ أَوْ شَهَوَاتٌ وَخُرُوجُ الْعَبْدِ عَنِ الْإِسْتِقَامَةِ إِمَّا بِشُبْهَةٍ أَوْ بِشَهْوَةٍ. Le témoin argumentatif de ce hadith, c'est qu'il y a sur les deux côtés du chemin droit, chemin de droiture, des portes qui font sortir la personne de la droiture, et ces portes reviennent de manière générale à deux choses, soit des ambiguïtés, soit des passions. Et le fait que les serviteurs sortent de la droiture, c'est soit à cause d'une ambiguïté, soit à cause d'une passion. قال ابن القيم رحمه الله وقد نصب الله سبحانه الجسر الذي يمر الناس من فوقه إلى الجنة نصب ونصب بجنبيه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم فهكذا كلالب الباطل من تشبيهات الضلال وشهوات الغي تمنع صاحبها من الاستقامة على طريق الحق وسلوكه والمعصوم من عصمه الله. ابن القيم رحمه الله il a dit Allah a érigé le pont sur lequel passe le gens vers le paradis et a érigé à ses côtés des crochets qui happent les gens en fonction de leurs actions. Il en est de même pour les crochets du faux, les ambiguïtés de l'égarement et les passions des péchés. Empêche ceux qui les commettent d'être droits sur le chemin de vérité et d'y cheminer, et celui qui est préservé est celui qu'Allah a préservé. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous préserve. Voir Sawa'iq al-Mursalah de Ibn al-Qayyim rahimahullah, volume 4, page 1256. Et maintenant il va parler de la guidance. De quel genre de guidance on a besoin? On a besoin de la guidance vers le chemin et dans le chemin aussi. Et il dit والعبد في هذا المقام يحتاج الى نوعين من الهدايه ليسلم على سيره وهما الهدايه الى الصراط المستقيم والهدايه في الصراط المستقيم. قال ابن القيم رحمه الله فالهدايه الى الطريق شيء والهدايه في نفس الطريق شيء اخر. الا ترى ان الرجل يعرف ان طريق البلد الفلاني وطريق كذا وكذا ولكن لا يحسن ان يسلكه فإن سلوكه يحتاج إلى هداية خاصة في نفس السلوك كالسير في وقت كذا دون وقت كذا وأخذ الماء في مفازة كذا مقدار كذا والنزول في موضع كذا دون كذا فهذه هداية في نفس السير قد يهملها من هو عارف بأن الطريق هي هذه فيهلك وينقطع عن المقصود. بكل هذه الطريق هذه نرى الله غابيس ودي بقى هذا الطريق. En arabe, les deux sont autorisés. Le tariq, il est féminin et masculin. Et le mieux, dans l'arabe le plus éloquent, c'est d'utiliser le féminin. Hein? Il y a d'autres mots comme ça, par exemple, sabil. Hein? Tariq. Hein? Qul hadihi sabili. Hein? Et le serviteur a besoin, ce sujet, de deux genres de guidance afin d'être sauf dans ce cheminement. La guidance vers le droit chemin et la guidance sur le droit chemin. Ibn Qayyim, rahimahullah, il a dit la guidance vers le chemin est une chose, et la guidance dans le chemin lui-même est une autre chose. Ne vois-tu pas que l'homme sait que le chemin pour tel et tel pays et tel chemin, mais il ne sait pas prendre ce chemin, car son cheminement a besoin d'une guidance spécifique. Dans le cheminement lui-même, comme le fait de cheminer à telle heure, et pas à telle heure, et prendre de l'eau, dans tel refuge, à telle distance, et s'arrêter à tel endroit, mais pas à tel endroit. Ceci est donc une guidance dans le cheminement lui-même. Donc il se peut que celui qui sait que c'est le chemin la néglige, cette guidance. Et donc se perd et se détourne du but. Donc on a dit quoi? Qu'il faut une guidance vers le chemin, d'accord? Mais après, sur le chemin même, il y a une autre guidance qui est spécifique et qu'il faut avoir aussi. Et voir la lettre d'Ibn Qayyim rahimahullah à l'un de ses frères, page 9. Alors c'était quoi cette 9e et avant-dernière règle? Parmi les empêchements qui t'empêchent d'être sur la droiture et que donc ils te font dévier de la droiture, c'est les choubouhats de l'égarement et les désirs des péchés. Non. La 10e règle. Vous voulez revoir la 9e aussi ou donc on rentre la 10e? Vous voulez la revoir en détail ou c'est pas... Le qa'adat ou la ashira. وتشبه بالكفار من أعظم الجنوح عن الاستقامة وتشبه بهم راجع إلى نوعين من الفساد إما فساد العلم أو فساد العمل. La dixième règle parmi les règles de l'istiqama, l'imitation des mécréants fait partie des causes les plus importantes qui détournent de la droiture. Les imiter revient à deux genres de corruption. Soit la corruption de la science, soit la corruption de l'action. Et médite ce sens dans la parole d'Allah dont la traduction du sens est. وتأمل في هذا المعنى في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblé de faveur, non pas de ceux qui ont couru ta colère, ni des égarés. Surat al-Fatiha, versets 6 et 7. فساد اليهود من جهة العمل وفساد النصارى من جهة العلم. فاليهود علموا ولم يعملوا والنصارى عملوا بلا علم. فالفساد الذي يكون في هذا الباب إما بمشابهة اليهود بأن يكون عند الإنسان علم لا يعمل به، أو بمشابهة للنصارى بأن يعمل بلا علم ولا بصيرة. La corruption des Yahoud est sous le rapport de la mise en pratique. Et la corruption des Nasara est sous le rapport de la science. Les Juifs savaient ni les Yahoud, mais n'ont pas mis en application la science. Et les Nasara ont pratiqué sans science. La corruption qu'il y a dans ce sujet, la droiture, est soit en imitation des Yahoud. Et c'est ce en ce qu'une personne est de la science, mais ne la met pas en pratique. Ou en imitation des Nasara, et ce en ce qu'elle pratique sans science ni clairvoyance. شيخ الإسلام تيمية سمى رحمه الله كتابه اقتداء صراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وشر فيه رحمه الله إلى بعض أمور أهل الكتاب التي ابتليت بها هذه الأمة ليجتنب المسلم الانحراف عن الصراط المستقيم إلى الصراط المغضوب عليهم أو الضالين. وأورد قول الله سبحانه: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. قال: فذم اليهود على ما حسدوا المؤمنين على الهدى والعلم، وقد يبتلى بعض المنتسبين للعلم وغيرهم بنوع من الحسد لمن هداه الله بعلم نافع وعمل صالح وخلق مذموم مطلقا، وهو في هذا الموضع من أخلاق المغضوب عليه. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله il a d'ailleurs appelé l'un de ses livres اقتداء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، c'est-à-dire l'exigence du droit chemin et d'être différent des gens de l'enfer. Il y a indiqué certaines choses des gens du livre par lesquelles cette communauté est éprouvée. Et ce, afin que le musulman s'écarte de la déviance, qu'il écarte du droit chemin et l'amène vers le chemin de ceux qui ont encouru sa colère ou des égarés. Il y a cité la parole d'Allah dans la traduction du sens est « Nombre des gens du livre aimeraient par jalousie de leur part pouvoir vous rendre mécréants après que vous ayez cru et après que la vérité s'est manifestée à eux. » Sur Al-Baqarah verset 109. Il dit « Rahimahullah, cher l'Islam, il, c'est-à-dire Allah, a blâmé les Yahoud pour ce qu'ils ont eu comme jalousie envers les croyants au sujet de la guidance et de la science. Et certains parmi ceux qui s'affiliaient à la science et d'autres ont été éprouvés par un genre de jalousie envers ceux qu'Allah a guidés vers une science bénéfique ou une action pieuse. » Vous trouvez ça des fois? Quelqu'un il a un peu d'ilm, hein? Ou quelqu'un il a, alhamdoulilah, il fait beaucoup d'actions vertueuses, etc. Vous trouvez qu'Al-Adoubillah, certains de ses frères, ils sont jaloux envers lui, Al-Adoubillah, hein? C'est même des fois que ils combattent cette personne-là. Pourquoi? C'est quoi ce sébème? C'est juste quoi? La jalousie. Pourquoi Akhi t'es jaloux? Pourquoi Akhi t'es jalouse? Tu devrais être content pour ton frère ou ta soeur. Sahoulala. Hein? Pourquoi? Parce que c'est Allah qui lui a donné ce bien-là. Et c'est Allah qui donne à qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Hein? Wallah dhul fadil azim. Hein? Donc t'acceptes pas quoi le qadr d'Allah, subhanahu wa ta'ala? Hein? Non? Oui, c'est encore pire. Hein? Ou des fois, par exemple, tu vois, hein, même chez l'Azim, il a dit, un des pires genres, c'est chez les Tolab l'Ilm. Hein? Et voilà, subhanallah, quand vous êtes autour d'un shir, tu vois ça, des fois. Tu vois de propre, tu le vois dans les certaines actions, certaines paroles, etc. Tu le vois, là, de billah. Parce que tout le monde veut un être. Hein? Et c'est fait que le shir, par exemple, toi, il t'aime plus. Hein? Ou qu'il dise ton nom dans les doulos souvent, ou que ce soit toi qui prépare les questions, ou que ce soit toi qui, par exemple, qui lise le livre sur le shir, ou, hein? Tu vois, subhanallah, des visages comme ça, et certains comportements qui montrent, ça va le cacher. Et tu vois, c'est jalousie, l'aïdou billah. Normalement, le but, c'est de se rapprocher d'Allah, c'est ça qu'il faut mettre en avant. Ouais, mais le hasad, il existe. Le hasad, il existe. Ça vient pas de la personne lumière. Non, allez, moi, c'est clair qu'il y a un problème quelque part, dans le sens où c'est Allah qui t'a voulu ce bien, pourquoi tu n'acceptes pas ce qu'Allah il a voulu pour lui? Non, parce que si on suit ça, logiquement. Préfère être dans l'anonymat que d'être à la lumière. C'est même pas question de lumière ou d'anonymat, c'est question de jalousie. Mais par exemple, maintenant, t'es même pas dans la lumière, mais toi, t'es un bien. Donc, subhanallah, quelqu'un, il a une belle voiture, par exemple. Ah, et là, c'est dans le halal. Mais c'est dans le dunya, ça existe, la jalousie, elle existe là-dedans aussi. Hein. C'est, pas, hein? C'est plus étonnant quand c'est dans la science et quand c'est des personnes qui... Ah. Non, ça existe, c'est très bien. Mais non, mais tu sais pourquoi? Parce que quelqu'un, par exemple, il est sur la sunna, yak. Il aime ça, il aime l'ilm, etc. Et puis il voit quelqu'un, il a plus que lui. Certains gens, ils développent par vis à vis de cela. C'est une maladie, d'accord. C'est une maladie, ça, il faut comprendre ça comme ça. Il y a des remèdes. Hein? Et un des remèdes, c'est de te rappeler que c'est Allah qui lui a donné ça. D'être content pour ton frère, de faire dua pour ton frère. Et de demander qu'Allah rajoute à ton frère. Hein? Et qu'il te donne meilleur que lui. Quel est le problème à ça? Ça, c'est une maladie, en fait. Non, mais c'est aussi peut-être parce qu'elle a oublié que même une personne, elle peut avoir plus de science qu'une autre et être plus loin d'Allah que lui. Parce que c'est pas que le fait d'avoir plus de science pour être plus proche d'Allah. Même il y a des gens, par exemple... C'est le fait d'avoir l'ikhlas aussi. Même il y a des gens... Parce qu'à la fin du code, l'ikhlas, on ne sait pas. Il y a des choses, par exemple, maintenant, quelqu'un, on parle d'action, là. Quelqu'un, il a une action, par exemple. Quelqu'un, par exemple, il est connu pour venir salat fajr tous les jours, par exemple. Par exemple, il a hafid le Qur'an. Hein? Et lui, il est jaloux envers lui parce que lui, il a ça. Maintenant, c'est vrai ce que tu dis, mais la base, c'est que voilà, ça existe. C'est une maladie. C'est une maladie, c'est tout. Ça existe. Il y a des gens qui l'ont. Et peut-être, nous tous, on est peut-être un jour ou l'autre touchés par cela. On peut ressentir un jour cela envers un de nos frères. Ça peut arriver, subhanallah. Hein? C'est vrai. Hein? Quelqu'un, par exemple, il est marié, ou quelqu'un, par exemple, il a une femme pieuse, ou quelqu'un, par exemple, il a Allah alam, ou quelqu'un, par exemple, il a une belle maison, ou là. Par exemple, quelqu'un il a fait la hijra et ça marche bien pour lui, alhamdoulilah. Allah alam, il y a beaucoup de choses qui. Hein? On est accepté à l'université de Médine, là. Hein? Pardon? Ah oui. Non, je parle ici, évidemment, vous avez bien compris, la jalousie qui est interdite. Mais non, si toi, par exemple, tu voudrais avoir ce qu'il a pour ton frère. Alors, je vous explique les codes d'habit, parce que le frère m'a rappelé ça, c'est vrai, il faut expliquer le d'habit pour que ce soit pas mal compris. Hein? C'est que la condition, la règle ici, c'est que la jalousie qui est interdite, c'est la jalousie. C'est-à-dire que tu veux ce que ton frère est là, mais tu veux que lui, il l'ait plus. Hein? Tandis que ce que tu réserves, tu vois ton frère, il a hafid le Coran, tu dis, mashallah. Hein? Tu veux ça pour toi. Mais tu veux que. Hein, tu es content pour lui. Tu es content qu'Allah. Hein, et tu fais Allah, Allahumma barik fi, yani, qu'Allah le préserve. Hein, qu'Allah lui rajoute, alhamdulillah, mashallah. Mais je voudrais ça aussi. D'accord? Et je voudrais connaître la sunna en plus, par exemple. Hein? Ça, c'est le ribta. Ça s'appelle ribta chez les ulama. Et ça, c'est pas un problème, ça. C'est pas un problème du tout. Mais là, le danger où il est, c'est que tu es jaloux et que tu, hein, tu veux que la personne elle perde ce bien. Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Hein? Et tu veux que la personne elle perde ce bien-là. Wal'adhu billah. Et donc tu le vois. Après, il y a des gens qui essaient de te casser coûte que coûte. Hein? On a vécu ça, hier, quoi. Hein? C'est pas des choses qu'on invente. Hein? Il essaie de donner une mauvaise image, il essaie, hein, etc. Et puis il essaie lui de se mettre en avant, etc. etc., etc. Hein? Donc faut faire attention à ce genre de maladie-là. Retournez au texte du Coran, de la Sunna, hein, surtout ce qui concerne la jalousie, écoutez les paroles de l'Allemagne, vous allez mieux comprendre ce que c'est, et d'où ça vient, et quelle est cette maladie, quel est le remède, il faut savoir ça. Hein? Parce que quelqu'un peut se garantir, quelqu'un de nous peut dire, non, moi, ça, alhamdoulilah, je la garantis, là, c'est bon, moi, je ne suis pas jaloux, je ne suis jamais jaloux. Personne n'est. Personne ne peut garantir ça. Hein? D'ailleurs, quand tu vois quelque chose de ton frère de bien, tu dis quoi? Allah m'a barik fi, mashallah. Hein? Allahumma barik ani fi ahli, Allahumma barik fi bayti, Allahumma barik fi ilmi, Allahumma barik fi kada, Allahumma barik fi kada. Fais du'a pour ton frère, tu es content. Hein, tu fais du'a. Et toi, tu demandes aussi, tu lèves tes mains, tu demandes à l'argent qui te donne aussi. Hein? Il n'y a pas de problème. Il dit, certains parmi ceux qui s'affilient à la science et d'autres ont été éprouvés par un genre de jalousie envers ceux qu'Allah a guidés vers une science bénéfique ou une action pieuse. Et c'est un comportement condamnable et ce de manière inconditionnée. Et cela fait partie à ce sujet des comportements de ceux qui ont couru la colère d'Allah. Waqtila Sirat al-Mustaqim, Mukhalafat Ashab al-Jahim, volume 1, page 83. Il a dit quoi? Vous avez entendu? Il a dit parmi ceux qui s'affilient à la science. Hein? Attention. Il a ensuite cité un certain nombre d'exemples de choses qui font partie des actions des juifs et des chrétiens. Il se peut que certains musulmans les imitent en cela, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Vous suivrez certes les voies de ceux qui vous ont précédés, en pan par en pan, coudé par coudé, à tel point que même s'ils entraient dans le trou d'un lézard, yani, hein, vous les y suivriez. » وأخذ يذكر رحمه الله أمثلة عديدة من الأمور التي هي أعمال من أعمال اليهود أو علم النصارى وقد يتشبه بهم فيها بعض المسلمين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا بذراع حتى لو دخلوا حجر ضب tabi'tumuhum. Et le hadith est rapporté par le Bukhari Muslim, d'après le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu arda. Et en guise de clôture, le Cheikh Abdel Zaq, hafidhahullah, il dit, hamdoulillah, أختم بكلمة جميلة متينة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ابن القيم رحمه الله سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول أعظم الكرامة لزوم الاستقامة وقال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وإنما غاية الكرامة لزوم الاستقامة ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله نقلا عن بعض أهل العلم قال كن صاحب الاستقامة لا طالب الكرامة فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة وربك يطالبك بالاستقامة. En guise de clôture, le Cheikh dit, j'ai fini par cette belle et forte parole de Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah. Ibn Qayyim, Karalifas Miséricorde, a dit, j'ai entendu Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, Karalifas Miséricorde, dire, la plus grande dignité est l'attachement à la droiture. Voir Madarij Salikin, volume 2, page 105. Donc si tu es sur l'istiqama, tu es digne. La plus grande dignité d'être sur la droiture et d'être attaché à la droiture. Et Cheikh l'Islam, quand il fasse miséricorde, il a dit dans son livre Al-Furqan, Beyna Awliya Ar-Rahman wa Awliya Ish-Shaytan. Page 349. Le summum de la dignité n'est que l'attachement à la droiture. C'est pour cela qu'Ibn Qayyim, rahimahullah, il a dit, rapportant la parole de certains parmi les gens de science, soit parmi les gens de la droiture et ne sois pas quelqu'un qui demande la dignité. Car ton âme bouge dans la recherche de la dignité, alors qu'Allah exige de toi la droiture. Voir Madarij Salikin, volume 2, page 105. Et puis le Cheikh explique cela, il dit بمعنى أن العبد ينبغي عليه أن يكون دوما وأبدا مجاهدا لنفسه في أن تلزم صراط الله المستقيم وأن تحافظ على طاعته تبارك وتعالى وأن يجاهد نفسه على ذلك لينال أعظم الفوز وأكبر الغنيمة وقول ربنا عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا غفور رحيم وبقوله جل وعز إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. Et Cheikh il dit, حفظه الله تعالى, le sens de cela est qu'il incombe aux serviteurs de toujours et constamment lutter contre son âme afin qu'elle s'attache au droit chemin d'Allah et à préserver son obéissance à Allah et de lutter contre son âme en cela afin qu'il obtienne le plus grand succès et le plus grand butin. Et c'est la parole de notre Seigneur dont la traduction du sens est « Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Nous sommes vos protecteurs dans la vie présente et dans l'au-delà et vous y aurez ce que vos âmes désireront et ce que vous réclamerez, un lieu d'accueil de la part d'un très grand pardonneur, d'un très miséricordieux. » Surat Fussilat, verset 30 à 32. Et sa parole dont la traduction du sens est « Ceux qui disent... » Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent ensuite sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte et ne seront point affligés. Ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement en récompense de ce qu'ils faisaient. Surat Al-Ahqaf, versets 13 et 14. Wa as'alullah al-Karim, Rabbal Arsh al-Azim, bi asma'il husna, wa sifatil ulya, an yaktub lana jami'an al-thabata, wal hidayata ila siratil mustaqim, an yu'idana min sabilil maghdubi alayhim, wa sabilil dalin, wa nuslih lana sha'nana kullah. ونصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ونصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا ونصلح آخرتنا التي فيها معادنا ونجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Et Cheikh Ali, je demande à Allah, le très généreux Seigneur du trône sublime, par ses beaux noms et ses attributs parfaits, de nous demander à tous l'affermissement, de nous donner à tous l'affermissement de la guidance et la guidance vers son droit chemin et qu'il nous préserve de la voie de ceux qui ont encouru sa colère et de la voie des égarés et qu'il réforme, toute notre situation et qu'il nous réforme dans notre religion qui est la protection de notre affaire et de nous réformer la vie dans ce bas monde où nous vivons et de nous réformer notre vie dans l'au-delà où nous serons ressuscités et qu'il fasse que la vie soit pour nous une augmentation de tous les biens et que la mort soit pour nous un repos de tous les maux. Et avec cela, on aura fini cette conférence. Alhamdulillah, la divine ni'mati tatimu salihat. Et mon conseil, c'est le conseil et l'ordre d'Allah au premier et au dernier, aussi comme le taqwallah azza wa jal. Je vous recommande de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, de préserver les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous recommande de vous accrocher à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de vous écarter de la bid'a, d'apprendre le tawhid, de le mettre en application, de vous écarter du shirk, et de mettre en garde contre lui. Et je vous recommande de revenir aux savants de la sunna et de prendre conscience des gens de la sunna et de rester unis, de ne pas vous diviser, et de vous écarter de tout cause de divergence. Et en cas de divergence, de retourner au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la compréhension des compagnons. Et c'est qui les détenteurs de cela? Ce sont les ulama de la umma, les gens de science. Et de vous accrocher, vous avez une mosquée, mashallah, ici. Tout ce que j'ai vu, ça m'a beaucoup fait plaisir. Une mosquée qui s'est accrochée à la sunna avec des frères qui essaient de faire leur maximum. Inch'Allah, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pour appeler à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala avec la compréhension correcte. Donc accrochez-vous, aidez les frères, entraidez-vous, mémorisez les livres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Attachez-vous à étudier son sens dans les livres de tafsir, à le lire, à lui donner de l'importance. Attachez-vous à venir prier dans cette mosquée, à la fréquenter, à assister aux cours, apprenez la langue arabe. Omar ibn Khattab radiallahu anhu, il a dit: Alaykum al-arabiyya fa innaha min dinikum. Apprenez la langue arabe, il vous est obligatoire d'apprendre la langue arabe car elle fait partie de votre religion. Apprenez la langue arabe afin que vous puissiez prendre avec le sanad al-a'la, la chaîne de transmission la plus haute, c'est-à-dire des ulama directement sans passer par un traducteur. Et d'apprendre la sunna du prophète, de mémoriser les livres de la sunna, et de mémoriser les livres des ulama, premier, les livres les plus courts, comme Usul Talat, Usul Arba, Usul Sita, les livres comme ça dans l'Aqida, et les petits moutons dans le fiqh, dans Usul Fiqh, dans Musa al-Hadith. Accrochez-vous à la science, ne perdez pas de votre temps, faites beaucoup de dhikr, accrochez-vous à vos obligations, acquittez-vous de vos obligations, écartez-vous des interdits, et surtout ne vous divisez pas, ne vous divisez pas. Il ne fait pas partie des signes des gens de la sunna qu'ils se divisent. D'accord? Alhamdulillah, notre religion, tous les remèdes sont dans notre religion. C'est une divergence, pas de problème. Salam alaikum, ya cheikh, voilà, il y a ceci. Le cheikh, il a dit, voilà, on se tient tous à ça et c'est réglé. Je ne vais pas dire non, mais non, akhi, le cheikh, il a dit ça, mais non, c'est comme ça et c'est réglé. Barakallahu fi, c'est tout, c'est comme ça. Et ne parlez pas au mal de vos frères qui essaient de faire da'wah, essaient d'organiser des choses, ou de qui que ce soit de toute façon, sans que ce soit justifié. Et faites nasiha si vous voyez quelque chose, on a tous des manquements, de la bonne manière. Wajzakum lo khairan, on s'la azillana wa lakum s'abat wa tawfiq wa s'adat. Wajzakum lo khairan pour votre bon accueil, qu'Allah vous récompense bien pour votre bon accueil et votre beau soupçon envers nous. Ani, sarahatan, je ne me considère même pas comme un talibin. Comme j'ai dit aux frères, je suis un technicien de la traduction, c'est tout. Ani, c'est-à-dire que je reproduis les paroles. Comme je disais à un frère, je disais que notre travail, il est facile, il est difficile en soi, aussi. C'est juste de donner accès au public francophone au cas, à quoi? Aux paroles des ulama, c'est tout. On essaie de le reproduire dans le fond et dans la forme. Et si on s'est trompé là-dessus, nous demandons à Allah Azza wa Jalla que nous pardonne, et que nous corrige et que nous réforme. Wa jazakumullahu khairan.